je reste peace. Même si ici c'est la guerre, mes récits restent tristes, car ce monde m'exaspère. Utopiste de nature, je rêve d'un monde plus juste, qui comprimuse les neurones plus robustes. Dans l'univers dans lequel on évolue, faut être usé, s'assurer d'avoir des amis sur qui on peut compter, aimer sa famille et chérir ses parents. Même si avec eux t'as des discords par moments, j'ai pas peur de la mort. J'appréhende de voir ceux qui sont en haut et qui nous attendent. Je vis dans l'espoir d'un jour les retrouver. Je sais que là où ils sont, ils peuvent me guider. Ma vie spirituelle est riche, mais secrète. Je marche sur leurs pas et c'est ma quête. Le temps qu'une de mes pensées monte aux yeux, faisons une pause, pause. Un héritage est culturel avant d'être monétaire. J'ai une bonne éducation, je remercie ma mère et mon père. J'ai encore du chemin à faire, j'en suis conscient. Sur la route de mes aînés, j'avance sereinement. Comme je sais que vous y êtes tous, je veux rejoindre le paradis pour tout ce que vous m'avez transmis. Merci. C'est triste à dire, mais notre vie se résume à des souvenirs. Quelques images me font souffrir, puis d'autres me font sourire. Sans cesse, je les ressasse, faut qu'il en reste une trace. Les histoires de ma famille sont dans ma tête et sans tasse. J'avais la classe, grand-père, même si je ne t'ai pas connu. J'ai vu des vidéos de toi en Kabylie, ça m'a ému. Ne serait-ce qu'une seule fois, j'aurais aimé pouvoir te parler. Pour me consoler, je me dis que je dois sûrement te ressembler. Grand-mère, toi non plus, je ne t'ai jamais vu. Avec toi aussi, j'aurais voulu partager ton point de vue. Avoir avec toi d'interminables discussions, que tu relais ma mère dans mon éducation. J'ai pas connu mes grands-parents, mais pour moi sont des modèles indémodables, car c'est eux qui font ma richesse culturelle. Sachez que malgré tout, vous faites partie de moi. J'ai une mission, c'est de marcher sur vos pas. Un héritage est culturel avant d'être monétaire. J'ai une bonne éducation, je remercie ma mère et mon père. J'ai encore du chemin à faire, j'en suis conscient. Sur la route de mes aînés, j'avance sereinement. Comme je sais que vous y êtes tous, je veux rejoindre le paradis pour tout ce que vous m'avez transmis. Merci. Si t'apprécies mes idées, tu vas kiffer mes couplets bizarres et mon art, car mystiques sont mes pensées. J'aspire à être parfait, inébranlable et ma foi, c'est une richesse inestimable de voyager autour de moi. Je marche sur les pas de l'ange qui est parti trop vite. Dans mes prières à ma mort, c'est Karine qui m'y invite. Ce qui me fait avancer, c'est de croire que je vais le revoir, même si ce n'est qu'un rêve. Je pense à lui tous les soirs, il restera dans ma mémoire. Toute ma vie c'est certain, je marche sur ses pas, donc il berce mon quotidien. Quand j'écris de la poésie, je sens mon cœur qui s'anime et mon âme ressent la présence de l'ange Karim. Toi non plus Karim, je ne t'oublie pas. Toi aussi Karim, je marche sur tes pas. Un héritage est culturel avant d'être monétaire. J'ai une bonne éducation, je remercie ma mère et mon père. J'ai encore du chemin à faire, j'en suis conscient. Sur la route de mes aînés, j'avance sereinement. Comme je sais que vous y êtes tous, je veux rejoindre le paradis pour tout ce que vous m'avez transmis. Merci.